Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Mirage. Un bloc de glace avait été disposé contre le mur le plus long de la pièce, rafraîchissant le scriptorium et y maintenant une température agréable. Le bureau était encombré de richesses et de trophées. Figurines restaurées des anciens, fourrures et vêtements coûteux. Cartes, cassettes, masques tribaux africains et œuvres d'art en métal. Mirage ne se souciait pas de toutes ces choses. Elle était là pour les artefacts. Le butin issu des marais du Rhône qui avait fait du pillard Hamza Aboubakar III un homme riche. Hamza s'éloigna de la fenêtre, approcha de son bureau et lui désigna le fauteuil qui faisait face au sien. « Retirez votre masque !» Mirage déboucla le masque de cuir et l'ôta. Durant un instant, l'Africain la regarda avec surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'une femme se dissimule sous ce déguisement. Avantage, Mirage. Ce que nous voulons est simple, commença-t-elle. Un taux de change stable, que la valeur d'une lettre de change soit convertible en dinars pour une valeur égale. Nous voulons également être prévenus de toutes les découvertes d'artefacts dans les marais et bénéficier d'une option de préemption. À ce moment-là, elle se fit couper par Hamza. Je n'ai toujours aucune raison de négocier avec votre culte. Elle n'était pas habituée à ce que les autres remettent en cause son autorité. Avantage, Hamza. Mirage repoussa une mèche de cheveux humides de son front et le code-barre tatoué scintilla sous la fine couche de sueur qui couvrait son visage impassible. Les chroniqueurs ont abandonné Toulon il y a des décennies. Nous avons reconstruit cette cité de nos mains, continua le pillard. Sa position était évidente et le sourire de l'éternel gagnant se dessinait sur ses lèvres. La franca n'appartient pas aux néolibiens, reprit Mirage, qui tentait de le garder sous pression. Votre culte a de nombreux ennemis. Voulez-vous en faire d'autres ? Voulez-vous vous en faire d'autres ? Elle savait que les chroniqueurs étaient unis derrière cette négociation. L'Aquitaine et Justicienne voulaient des résultats quantifiables. Les serveurs se fiaient à la formule du progrès. Guère impressionné, Hamza commença à se limer les ongles. À Tripol, d'où je viens, nous avons un dicton. Pour obtenir le plus beau trophée, il faut savoir tout risquer. Il souffla la poussière d'ongles et plongea son regard dans celui de Mirage. Il avait sciemment provoqué une altercation. Que cette femme le menace tant qu'elle voulait. C'était lui le lion dans la pièce et Mirage la gazelle boiteuse. La population nous soutient. Faux ! Interrompit-il de nouveau. Mirage hésita. La plus grande arme de la civilisation est le pain, déclara-t-il, d'un ton désormais autoritaire, avant d'enchaîner avec mépris. Un soldat bien nourri combat, conformément à la volonté de son peuple, de son dieu et de ses dirigeants. Un soldat affamé se jette dans les bras de l'ennemi en mendiant sa nourriture. Mirage cligna des yeux. Hamza était à portée de main. Elle pouvait saisir sa gorge et décharger toute l'électricité stockée dans sa combinaison. Alors, le cours de la négociation changerait rapidement et s'alignerait sur les vœux des chroniqueurs. Elle envisagea les conséquences d'une telle agression. Non. Un assassinat au grand jour constituerait un suicide diplomatique pour son culte. Il devait avoir une meilleure option. Justicienne, l'Aquitaine, c'est à mon culte que nous devons le retour de la civilisation, rétorqua-t-elle, faisant appel à la raison. Si vous nous dissimulez des artefacts dont nous avons expressément besoin, vous portez atteinte à... Absurde, le coupa-t-il pour la troisième fois. La côte sud bénéficie de nos écoles et de nos universités. Elle forme plus de scribes et d'apprentis qu'il n'y a de livres dans vos cités. Hamza avait amené Mirage exactement là où il le voulait. Elle était à sa merci, sans rien à lui offrir. Lassé, il se pencha pour regarder par la fenêtre. Mirage avait épuisé ses options. Elle haïssait sa suffisance. Jamais personne n'avait osé lui parler ainsi, avec autant de mépris. Là d'où elle venait, on n'ignorait pas les chroniqueurs. Leurs paroles avaient force de loi. Sans dire un mot, elle remit son masque, l'attacha et observa une nouvelle fois la pièce au travers de ses lentilles ambrées. Elle avait perdu la face. Les fragments ne seront pas satisfaits du résultat de notre négociation, cracha-t-elle dans son vocodeur. Hamza éclata d'un rire dur. Il se tourna vers elle, bien campé sur ses jambes, la tête légèrement inclinée, et lui demanda « Connaissez-vous la règle d'or, chroniqueuse ?» Sans attendre la réponse, il jeta une bourse pleine de dinars sur le bureau. Des pièces tombèrent et roulèrent en cercle sur le sol. C'est l'or qui gouverne tout. Pendant un moment, elle resta immobile, comme si elle avait pris racine. Elle suivit du regard une pièce qui finit par s'arrêter. Elle savait désormais ce qui devait être fait. L'heure d'un changement de paradigme était venue. Et nous allons donc nous retrouver, plus d'un an plus tard, dans les rues de Toulon. Puisque chacun nous avait quitté un tout petit peu plus tôt la dernière fois, je propose qu'on rappelle un petit peu ce qui s'était passé. Que ce soit du coup du côté de Efflux et Mokosh, que du côté de Torik. Je vous laisse le faire, mais si vous voulez, je peux vous le rappeler, je peux vous souffler les éléments en question. Voilà. Mon protégé, enfin celui-là qu'on devait protéger, là, l'ouvrier, c'est un collabo qui donnait des infos sur le... Comment s'appelle déjà leur truc ? Les Frères de l'Acier. Les Frères de l'Acier. Voilà, on venait de le découvrir. Pour ma part, je crois que j'étais allé essayer d'avoir des informations avec Jacquard sur le trafic qui pourrait y avoir chez les ferrailleurs. Et j'étais allé voir Obi justement pour lui demander s'il n'aurait pas des indices pour nous. Jusqu'au moment où en fait, je me suis paumé dans les rues en essayant de retrouver mon chemin, je suis tombé sur des ferrailleurs qui ont pas été très sympas avec moi. Ils ont essayé de me faire comprendre qu'il fallait que je donne ce que j'ai à donner. Et au moment où ça allait partir en sucette, je vois au loin Jacquard et je crie son nom. Et pour ma part, ça s'était arrêté là. C'est ça. Pour rappel, toi, Jacquard, t'étais allé voir Dobby. Et du coup, sur le trajet du retour, en fait, tu entends au loin, Torik qui lui s'apprêtait à te rejoindre, mais qui était tombé nez à nez avec du coup des ferrailleurs qui appréciaient pas trop le fait de le voir fouiner. Notamment autour du lieu de trafic supposé des lettres de change. Je ne parle pas forcément du lieu où elles sont fabriquées, mais en tout cas du lieu où vous en aviez déjà vu. Probablement du coup d'ailleurs les fausses lettres de change, évidemment. Mmh. Et du coup, en t'approchant, en effet, tu vois trois gaillards, des ouvriers donc avec une certaine stature qui ont l'habitude du travail manuel et qui du coup sont clairement... sont assez forts. dont deux d'entre eux armés de barres de fer, de tuyaux qu'ils ont ramassés, et qui s'apprêtent du coup à s'en prendre à Torik. Torik, du coup, je vais arriver directement sur toi. Tu as un premier gars qui se rue sur toi en agitant du coup sa barre de métal en l'air en espérant te la fracasser sur le crâne. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je vais essayer dans un premier temps de parer à l'attaque. Là, je me vois pas forcément aller à l'attaque forcément. J'ai gueulé. Sur Jacquard en espérant qu'il m'entende et qu'il vienne. Donc là, je vais être plus dans la défense et essayer de parer les coups dans un premier temps. Très bien, tu vas me jeter 7 dés. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 succès, dont un déclencheur. 5 succès ? 5 succès, un déclencheur. Ok, parfait. Je juste check un tout petit détail. Oh non. Le gars, du coup, comme je disais, se rue sur toi et au moment où il s'apprête à t'éclater la barre sur le crâne, tu dégaines ton dilacérateur et tu le places entre les deux en tenant ta stature et une position typique du coup du soldat hospitalier. Et tu arrives à parer le coup. Qui du coup va s'éclater, du coup dans une espèce de bruit un peu, le métal qui s'entrechoque. Ouais. Mais la silhouette d'un deuxième juste à côté apparaît. Et de son côté, lui, il tente donc de te saisir le bras qui tient le dilacérateur. Probablement pour te faire une clé de bras. Je peux toujours rien faire, moi ? Pour l'instant, t'es un petit peu trop loin, donc ils ont l'initiative. Je vais me faire un jet de dés du coup pour lui. Là, Torik passe en défense passive. Et c'est un succès. Donc, Torik, tu sens une main, mais ferme, se positionner au niveau de ton bras. Et les doigts, d'un seul coup, te font lâcher du coup prise. Et ensuite, le bras emporte le tien jusqu'au niveau de ton dos. Et te projette contre le mur. D'accord. À ce moment-là, par contre, en effet, Jacquard, tu peux commencer à agir. Tu t'arrives à leur niveau. Il en reste encore un troisième avec une barre qui, lui, te tient un peu à l'œil, te voyant arriver avec fracas. Alors non, parce que moi, j'arrive pas, genre, comme ça. Genre, enfin, avec fracas, oui, c'est l'occupe. Je veux vraiment leur foncer, tu vois. Avec le cri le plus... Ok. Le plus sauvage qui soit. En plus, t'as récupéré ton livre, il me semble. Oui. Je sais plus. Oui. Si, il te l'a donné avec les Oui, ouais. Il t'a fait pendant que vous discutiez. Donc là, oui, pendant que vous discutiez, il l'a fait. Tu le cours dessus avec le marteau ou avec le livre ? Ou le marteau. Vas-y, parfait. Du coup, tu lui cours dessus, j'imagine, du coup, tu tentes de le frapper. Oui. Ok, très bien. Donc pareil, un jet de body stamina. Non, body melee, pardon. Donc 7 dés également. Pour l'instant, je vais pas appliquer les bonus et les malus des armes. Je les rajouterai une prochaine fois. Étant donné qu'ils sont pas sur les fiches actuelles, c'est vraiment pas un problème, honnêtement. On s'en fout. Juste, si vous voulez dépenser de l'ego pour avoir plus de dés, n'hésitez pas. Moi, pour l'instant, non. 5 réussites. 5 réussites ? Ouais. Mais bah, vous êtes chaud, décidément. Ok. Tu fais tournoyer le marteau et du coup, en plus, saisi de l'élan que tu possèdes, tu envoies un coup circulaire directement dans le gars d'en face qui tente d'esquiver, se jette en avant, mais finalement, du coup, plutôt que de le frapper au niveau du torse, au niveau du visage, tu le frappes plutôt du coup au niveau du bassin, dans une espèce d'énorme craquement, le bruit que ferait... du métal plié sous une machine, enfin sauf que ce sont ses os. Le gars vole sur un mètre et s'éclate contre le mur d'en face en hurlant. Tu viens de lui déplacer le bassin. Il tombe au sol complètement pour le coup, lui hors combat. Pendant ce temps-là, Torik, toi, qu'est-ce que tu fais ? Bah moi, dans l'idée, ce serait de pouvoir me me défaire de la prise qu'il y a sur moi. Donc, j'aurais envie de... Alors, là, pour l'instant, il me tient qu'un seul bras, c'est ça ? Il a pas, il a c'est pas ça. Une prise... C'est ça, en gros, il t'a fait lâcher ton arme d'une main, donc tu l'avais plus que dans l'autre, mais du coup, tu perdais de la force avec. Il t'a placé ton... Enfin, du coup, il a commencé à te faire une clé de bras, il t'a collé contre le mur... Ouais, donc j'ai encore un bras disponible. C'est ça, même si pour l'instant il tient ton arme, après est-ce que tu la gardes, est-ce que tu la lâches, après ça te voir. Bah moi ce que je vais faire c'est genre de voir si je peux pas me retourner et lui mettre un coup de coude dans la tête. Ok, super. Et bah tu vas me faire un test de body brawl, je crois. C'est ça, body brawl. Et du coup, tu as 1, 2, 3, 4, 4 dés. C'est moins bien, mais... Et tu peux dépenser de l'ego si tu le souhaites. Jusqu'à 3. Allez, je sais plus combien j'ai d'ego moi pour l'instant. Je vais pas regarder. Pour l'instant, vous avez pas fait de dépenses, je crois. Je vais en prendre 2. Je vais prendre 2 points d'ego. Voilà. Ok, j'actualiserai ça à la fin de la partie. Pour l'instant, t'occupes pas de ça, je m'en occuperai. Je me rappelle, tu peux juste me rappeler quand tu utilises des points d'ego. Il se passe quoi avec ? Parce que je sais qu'il y a chaque point d'ego, c'est un dé supplémentaire que tu peux jeter. Lorsqu'on fait des tests d'initiative, ça te sert aussi à ta ça te sert également aux tests d'initiative. Et pour ce combat-là, il n'y a pas besoin de faire de tests d'initiative. D'accord, d'accord. Okay. Ah, il y en a un qui s'est pris. C'est un succès. Je l'ai laissé finir. J'ai que 2 succès. Ok. Je vais faire un test de leur côté. Le gars tente de maintenir et fait 2 succès également. Donc la difficulté est donc de 2 succès. Donc tu fais 2 succès, donc ça passe. Okay. C'est comme ça que le jeu fonctionne. Du coup, en effet, tu arrives à te dégager un petit peu et tu lui mets un coup de coude au niveau du nez. Il te lâche instantanément et on va dire recule un petit peu d'un mètre le temps de se prendre de mettre sa main sur son visage. Il essuie un petit peu le sang qui commence à couler et s'apprête à t'enchaîner, mais il a déjà dépensé son action active. Donc ce sera seulement l'autre qui lui pourra jouer et qui lui sort une espèce de petite lamelle de fer qui ressemble du coup de loin vachement à une arme blanche. De sa poche et tente de te planter. Heureusement pour toi, je vais juste relancer 2 dés parce qu'il n'en avait pas assez, mais... Waouh. Sur 6 dés, j'ai fait 3 échecs critiques et un déclencheur, donc malheureusement c'est un complet raté. Il tente de te planter avec du coup son petit truc de fer, ce qui honnêtement a pu faire bien mal. Malheureusement pour lui, juste à ce moment-là, Jacquard intervient et je te passe la main, tu me dis ce que tu fais pour l'empêcher de planter Toric. Je lui donnais un coup de codex dans le bras. Ok, tu lui donnes un... tu lui donnes un coup dans le bras et il lâche sur le coup, il ouvre sa main et fait tomber son petit truc de fer par terre. Et on va en revenir à Toric. Qu'est-ce que tu fais ? Ah bah maintenant, on va se retourner contre la personne qui est devant moi. Hein. Du coup, bah, je pense le que ferrier je vais lui au balancer. Couteau. Non, celui qui était avec moi, là, qui a essayé de me faire du mal. Et du coup, je vais... Je vais donner un coup de dilacérateur dans la tronche. Enfin, Propre. Bah écoute, vas-y, je te laisse faire ton petit test. Donc 7D. 7D. Sauf si tu veux dépenser de l'ego en plus. Non, ça devrait aller, 7D. Enfin, j'espère bien. Ah, mais tiens, j'avais pas vu qu'il m'a manqué un. Hein. J'avais fait 3 réussites. Vous savez, vraiment, parce qu'il était resté en haut. Ah, ok, yes. J'avais lancé que 5D. Alors. Hop. Alors, j'ai fait 4 succès, dont un déclencheur. Eh bien, décidément, bah écoute, ça passe. Tu sors ton dilacérateur et tu le plantes avec. Là. Ça prendra. Donc, la lance le transperce. Ah, si seulement il y avait eu Mokosh, ce sera allé plus vite. Elle aurait découpé les trois en un coup. Et l'autre, voyant que la situation ne joue pas en leur faveur, tente de jeter sa barre en métal en arrière dans ta direction, Jacquard. Puis tente de saisir, de bondir contre le mur et de choper un morceau de gouttière qui passait par là pour se hisser au-dessus du bâtiment. Mais attends, reste avec nous, copain. Donc je vais d'abord faire un test de projectile. Il me manque un dé. Reste avec nous pour jouer. C'était bien sympa. Putain, mais ils sont vraiment rincés. Je viens de jeter 7 dés. J'ai fait 2 réussites dont on déclenche. Mais en vrai, ça suffit pour jeter un truc. Jacquard, fais-moi un petit test de agilité, mobilité, s'il te plaît. Agilité, donc, Jacquard. Ouais, donc 3, 4, 5 dés. Ah, quand même. Ouais, il est vif. J'aurais pas cru. Ouais. Ouais. Bourrin, certes, mais pas vite. Mais... 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Ici. T'arrives à l'éviter. D'un seul coup, tu baisses la tête et tu vois le bout de tuyau partir et s'éclater derrière. T'entends juste le bruit du truc derrière qui s'éclate et rebondit. Exactement ça. Et ensuite, il va tenter de donc d'escalader. Là, par contre, un véritable pro. 5 réussites, dont 3 déclencheurs. D'un seul coup, il se saisit. Enfin, il commence à bondir exactement. Il saisit le haut de la gouttière et se hisse tout en haut pour se barrer. Honnêtement, il fait ça en une demi-seconde. Vous avez aucune chance de le rattraper. Et est-ce que j'ai même pas une chance de pouvoir arracher la gouttière ou de donner un coup avec mon point mécanique Ça peut se tenter. En vrai, oui, ça pour le coup, ça peut se tenter. Vu que la gouttière, par définition, descend bien à un endroit, si jamais là tu la saisis, tu peux me faire un test de body force et tenter de la tirer d'un seul coup vers toi. Bah, je peux faire ça ? Oui, tu peux. Nickel. Je vais péter la force. Est-ce que tu utilises de l'ego ? Non. 4 okay. Réussites, dont 2 déclencheurs. C'est plus que la résistance d'une gouttière, si j'en crois le manuel du jeu, à la page du bestiaire consacré aux gouttières. Non, j'avais défini ça sur 2. Du coup, tu saisis le bout de la gouttière, mais donc pas celui en l'air, mais du coup celui qui descend et va rejoindre le sol. Et tu tires d'un seul coup dessus, tu la décroches totalement. Et du coup, tu crées une espèce d'angle droit, comme une équerre qui serait posée dans la grande ruelle, avec la gouttière qui touche le sol, remonte, mais du coup se trouve au milieu de la ruelle, remonte et ensuite est raccrochée par un bout au toit, avec lui au milieu, qui tente le plus rapidement possible, là, il perd un peu l'équilibre, de rejoindre le toit du bâtiment. Il est suspendu au milieu de la ruelle, accroché en haut de sa gouttière. C'est une scène digne de Pirates des Caraïbes. Et là, pour le coup, bon, ses jambes suspendues, Toric, tu peux te saisir, essayer de le faire tomber. Eh bien, ce que je vais faire, je vais tenter, j'ai bien tenté, d'utiliser mon dilacérateur comme un javelot. Et lui balancer dessus. Ok. Fais-moi juste un premier test avec ta tasse en deux actions. Le premier, ça va être body force. Parce que déjà, c'est con, mais le dilacérateur, il est planté dans le type d'en face. Il va falloir le retirer d'un coup sec. Ouais. Alors, c'est quoi le body force? Je m'en vais pas. Body force, avec une difficulté de 2 seulement. Alors, attends, parce que je veux que je regarde. Oui, en fait, je pourrais te dire directement les dés. Ouais, non, non, t'inquiète, je vais regarder. Body. Body force, on est à 6D. 6D. 6D6. Alors on est à 2 succès dans un déclencheur. Pile poil ce qu'il fallait. Okay. D'un coup sec qui est presque chirurgical, tu retires ton dilacérateur. Le type qui était planté tombe au sol instantanément. Il est plié sous la douleur. Je sais pas si vous avez déjà pris un coup dans le ventre ou autre, mais là en plus il a été planté, donc il a le souffle complètement coupé. Il est en train de se vider de son sang. Et ensuite tu vas tenter de le jeter sur le type en dessus. Donc là tu vas me faire un jet de agilité arme à projectile. Donc j'ai 4. C'est ça, tu as donc 4 dés. 4, et je vais. Et je peux utiliser encore de l'ego ou pas? Bien sûr. Et ben 2, allez. Ça me fera 6. Parce qu'il faut réussir. Avec une difficulté de 3. Allez, tombe toi. 4 succès, 1 déclencheur. Et ben dis donc. Tu donc te saisis comme un javelot de ton délacérateur, tu le jettes. Le dilacérateur et tu te propulsé d'un coup super rapide va se planter du coup directement dans la jambe au niveau de son flanc ouais. Il lâche la gouttière et tombe au sol, surtout qu'à ce moment là t'avais Jacquard qui était probablement en train de la secouer dans tous les sens pour le faire tomber. Et donc voilà, le type s'éclate directement au niveau du sol. Pour vous dépeindre le tableau, on a actuellement un ferrailleur avec un bassin déplacé qui est incapable de bouger à l'entrée d'une ruelle, avec ensuite du coup le juge, son marteau et son codex et une gouttière entre les mains. De l'autre côté donc, l'autre qui vient de tomber sur le sol avec le dilacérateur planté dans le ventre, Toru qui a réussi à esquiver son coup de couteau. Honnêtement, j'avais prévu que le combat soit un peu plus dur, mais bon, des fois ça arrive, c'est comme ça, on va pas non plus tricher hein. Ce serait été sympa le petit coup là, le petit coup de d'arme blanche dans la ruelle, ça aurait fait une petite session à l'hôpital et tout, mais non, là, pas par ça, non, tout va bien. Et on a juste un autre gars qui lui s'est fait transpercer d'une lance et qui est en train de ramasser ses tripes allongées sur le sol. Ok, il y en a toujours prêts. Et au milieu de tout ça, vous avez deux tuyaux, enfin un tuyau, une barre de métal et on va dire un petit couteau, une petite lame un peu qui traîne. Moi je m'approche de celui qui j'ai planté le dilacérateur là. Celui qui se vide de son sang ou celui qui est tombé de la gouttière? Celui qui est tombé de la gouttière, je l'ose. Ouais, c'est celui qui est. C'est, honnêtement, c'est probablement le seul qui va. Enfin, c'est celui qui est le plus en état pour discuter. Ouais, voilà, c'est pour ça que je vais le voir. Dans un premier temps, je regarde un peu l'état de sa blessure. Honnêtement, vu la distance, la force qu'il fallait déjà, je pense que le dilacérateur n'a pas dû se planter vraiment de trop. Ça a dû plus le déséquilibrer et à limite le planter un petit peu, mais c'est superficiel. Du coup, bon, je vois qu'il a beaucoup d'ecchymose parce qu'il y a la chute en elle-même. Et après, c'est pas une grosse blessure. Je dis, mais alors, comme ça, on s'en prend à un hospitalier? Vous êtes à la botte des néo-libyens. Je suis à la botte de personne. Je viens. Comme je vous l'ai dit, je suis venu voir Obi. Maintenant, si vous n'êtes pas foutu de m'écouter, je suis pour rien, moi. Maintenant, regardez dans l'état où vous êtes. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Ah, maintenant, restez. Vous allez parler à mon ami qui est juste à côté. Il a plein de questions pour vous. Obi, c'est Dobby ou tu... Oh, Dobby, oui, Dobby, autant pour moi, c'est Dobby. Je l'ai appelé Obi parce que c'est un petit truc entre nous, tu vois, mais oui, c'est Dobby. Parfait. Eh bien, là-dessus, nous allons repasser à Efflux et Mokosh. On reviendra à vous un tout petit peu plus tard. Efflux et Mokosh, pour rappel, vous étiez donc allé au restaurant de la Moule pour faire comprendre à Manon la tenancière que vous étiez au courant des histoires qui se trafiquaient là-bas. Et on vous avait envoyé au sous-sol, vous aviez rencontré la nuée noire, dont Spectre, un coucou de la nuée, donc on va dire une espèce d'assassin avec qui vous aviez négocié la potentielle survie de Li Shen. Mais bon, malheureusement, vous venez d'apprendre que ce dernier vend des informations sur les frères de l'acier aux néo-libyens. C'est un peu un... Et c'est eux qui, du coup, à courir, ont mis un contrat sur sa tête. Contrairement à ce qu'ils vous avaient dit. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je sais pas. Bah, il me semble que il avait été question de d'argent, qu'on allait donner à peu près l'équivalent de tous nos lettres de change et que. Oui, ça de toute manière on a, ouais. Bah, on vient de le faire, ça, non, c'est ça. Ouais. Oui. Mais ça, on l'a déjà fait. Sauf mais si au dernier moment vous changez de plan et que vous lui dites que par exemple, je sais pas, vous voulez. Non, mon cas, je lui sa vie, etc. Vous voulez lui livrer ou un truc comme ça. C'est-à-dire que du coup, officiellement, voilà, c'est bon, on a retiré le contrat sur sa tête et que maintenant, bah, elle est au stade où il faut retourner le voir, maintenant qu'on a des infos, qu'on sait des trucs. Non, il me semblait que là, le but, c'était de retourner voir avec les informations qu'on a, l'homme dont j'ai oublié de noter le nom, mais soit qui a un contrat sur la tête. Li Shen. Li Shen, en effet. Voilà. Il me semble qu'on était là, c'est le moment où on va aller le voir, montrer qu'on l'a aidé, mais par contre, on a appris des choses, donc... il va falloir rembourser quoi. Ok, et bien du coup vous retraversez Port-Lagagne de nuit pour vous rendre jusqu'à la sacristie où vous retrouvez le groupe habituel de la sacristie, dont Li Shen. Vu l'heure, la plupart des gens ici sont encore en train de dormir. À vous de voir ce que vous voulez faire. Il est en train de dormir, c'est ça? Yes, il est en train de dormir. Okay. Il a été installé sur un petit lit de camp dans, on va dire, la zone principale de la sacristie. Eh bien, nous allons le réveiller. De quelle manière ? Je vais donner un grand coup de pied dans son lit pour le retourner et lui avec. Parfait. Du coup, il tombe au sol, il se prend son matelas et son sommier au passage. Et il se relève, il dit qu'est-ce qui se passe ? Et il a naturellement aussi le réflexe de dégainer une espèce de petite de lame qu'il agite dans tous les sens le temps qu'il y voit un peu plus clair, persuadé que c'est son assassin qui est venu lui régler son compte. Aidez-moi. Li Shen. C'est nous. Oui. Qu'est-ce qui vous prend ? Tu sais que c'est pas une bonne manière de faire que de mentir dans un lieu saint. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Que je te fasse un dessin, dis-je en sortant mon équipement de tatouage de ma... Ok, à ce moment-là, il recule un petit peu jusqu'au niveau du mur, il prend un peu sa distance, mais vous... On peut s'arranger, on peut s'expliquer, y a pas de souci. Puis j'ai une dette envers vous, vous pouvez pas me faire de mal, ce serait gaspiller un service que je vous dois. Li Shen, il faut, avant qu'on continue à discuter, il faut que tu saches une chose. La seule raison pour laquelle on t'a aidé, et pour laquelle t'es encore en vie actuellement, c'est parce que j'ai la sacristie rouge à faire tourner. Avant ça, je pense que j'aurais pas passé plus d'une demi-seconde à discuter de ton cas. Tu as menti, tu as dit que tu ne savais pas pourquoi on te cherchait. Tu sais très bien pourquoi on te cherchait, tu fais pas des choses très sympas à tes amis. Écoutez, les temps sont durs, et puis très honnêtement, je pense que je suis pas le seul à qui on ait fait ce genre de proposition, ou en tout cas... Si j'avais refusé, quelqu'un d'autre aurait accepté à ma place. Ouais, quelqu'un avec un peu plus de talent pour se cacher, peut-être. Dans tous les cas, si vous m'avez pas tué, c'est que vous avez bien besoin de moi. D'une manière ou d'une autre. Oui. Combien de personnes savent que tu es là ? Honnêtement, normalement personne, à part vous. D'accord. Tu sais que tu nous dois beaucoup parce que le simple fait qu'on puisse entendre la rumeur que tu sois caché ici pose beaucoup de problèmes. Ça dépend pour qui. Pour nous. Non, mais je veux dire... Oui, enfin... les Néolibiens ne vous reprocheront jamais de ma présence parmi vous, par exemple, et pourtant, c'est bien eux qui dirigent la ville. Je pense pas qu'il faille se soucier de quelconque menu groupement de ferrailleurs. Ils vous feront jamais rien, vous inquiétez pas d'eux. Ils sont innocents. Évidemment, évidemment. Tu me rappelles en échange de quoi je te protège déjà? À ce moment-là, lui qui commençait, tu sais, à rentrer un petit peu son arme en mode en signe de confiance et d'apaisement, il change complètement d'attitude et la laisse tomber par terre et tombe complètement à genoux, met ses mains l'une dans l'autre en signe de prière et les agite devant toi et dit « Écoutez, s'il vous plaît, je vous en supplie, je ferai tout ce que vous voudrez, mais ne m'envoyez pas dehors, ne me chassez pas. » Ils vont me ligoter, ils vont m'accrocher à des morceaux de tôle de fer et me jeter par-dessus un navire. Ils vont me torturer, me découper en morceaux pour avoir trahi les frères. Je mérite pas ça et je peux vous être utile. Je ferai tout ce que vous voudrez. Est-ce que tu sais faire? Tu sais que t'es un investissement extrêmement coûteux. Je saurais rembourser ma dette. Je vais me tourner vers Efflux pour le moment. Bon, s'il essaie de s'échapper, je le chope de toute manière. Je vais me tourner juste vers Efflux et je vais dire... On a un souci, s'il travaille pour nous, il nous voit, enfin on le voit avec nous. Ou on peut le mettre à un endroit où personne ne pourra le voir parce qu'on fuit cet endroit comme la peste. Je veux bien, mais ça ramène... Ça te permet quelque chose de le mettre là-bas? Je sais que t'es du genre humaniste. Ou quelque chose du genre, mais rembourser la dette, ça veut pas, c'est pas une dette vis-à-vis de la grande morale humaine, c'est une dette vis-à-vis de nous. Oh. On peut toujours essayer de se débrouiller. C'est vrai que ça va pas être le... Enfin, c'est pas le travail le plus rentable, mais... Je sais pas, si on le fait se débrouiller pour que ce soit lui de trouver la nourriture, ce genre de choses, ça peut nous faire, nous, certaines économies, sachant que c'est pour l'instant un endroit qui nous coûte beaucoup d'argent. Oui. Ou on peut le rendre à ses amis avec un nouveau tatouage sur le front qui indique que c'est nous qui l'avons rendu. Enfin, qui l'auront rendu. Aussi, mais je t'avoue que si on arrive à réduire un peu les coûts... Bokosh, vous êtes quelqu'un bien, vous feriez pas ça. Je crois que je rigole un peu vraiment dans le... je crois que ça va être la première fois dans ma vie qu'on me dit vous êtes quelqu'un de bien. Je regarde les flux, j'attends vraiment de savoir s'il a une décision vraiment qu'il veut ou si ça revient à moi. Je place la décision, hein. C'est toujours ton protégé, mais c'est clair que ma solution n'est pas la plus rentable, mais d'un autre côté, c'est celle qui permet de pas avoir de soucis. Personne n'ira le chercher là-bas, puisque de toute façon, c'est un endroit body et. Si ça réduit à tout petit peu les coûts de l'entretien qu'on peut avoir de cet endroit-là, nous, on ne se portera que mieux. Moi, je trouve que c'est la bonne chose à faire, mais je te laisse la décision finale. Ok. Bon. Li Shen, tu as raison. Je suis quelqu'un de bien et je pense que, que mon compagnon ici présent pourra le confirmer. C'est la raison pour laquelle tu auras la vie sauve. Mais en échange de ça, tu rendras service à la communauté, à l'église. Et au nom de la sacristie rouge, tu iras rendre un certain temps des services donc à... J'ai oublié le nom de ce trou pouilleux. Je suis quelqu'un de bien. Au Saint-Chenil. Mais là-bas, il n'y a que des lépreux et des malades. Mmh. Oui. À vos ordres. Eh bien. Juste une chose, Li Shen. Je n'aime pas qu'on trahisse ma confiance. Tu l'as déjà fait une fois. Si tu le refais, je pense que tu préféreras que tes amis te retrouvent. Il acquiesce juste. Allez, bonne chance. Est-ce qu'il faut que tu lui donnes une première mission à effectuer pour Saint-Chenil ou est-ce que vous tout à fait. Vous dites toujours par là plus tard? Moi, enfin, le but c'était de du coup le prendre entre guillemets sous mon aile, mais sans le côté affectif de la chose, et un peu lui montrer tout ce qu'il y aura à faire et etc. Et donc, effectivement, je charge par exemple d'aller faire simplement la première bouffe pour la matinée, d'aller réunir les aliments, ce genre de choses, et commencer à cuisiner ça. Puis... Comme ça, au lever du soleil, on pourra nourrir ces pauvres gens. Très bien, il sera désormais donc chargé de... Donc de faire à manger pour Saint-Chenil. Je vous en reparlerai plus tard, mais pour l'instant, la nourriture que vous délivreriez à Saint-Chenil, c'est de la nourriture que vous achetiez vous-même. Ouais. Sera probablement du coup sur long terme comme effet de réduire les coûts, puisque désormais vous avez quelqu'un qui cuisine directement, donc bah, forcément vous achetez des matières premières. En plus, il s'en occupe à plein temps, donc il pourra même faire d'autres petits trucs à côté. Je mettrai ça à jour à la fin de la partie. Hein, de toute façon, j'ai mon petit tableau avec les coûts, etc. Mais du coup, vous allez peut-être devenir un petit peu plus rentable, parce que pour rappel, Saint-Chenil, pour rappel, c'est quelque chose qui vous coûte vraiment énormément d'argent. Puisque pour nourrir 20 personnes chaque semaine, vous devez dépenser 400 dinars, 20 dinars pour nourrir une personne durant une semaine, et déjà, honnêtement, c'est très très peu. Ils mangent vraiment le minimum, le régime minimum. Du coup, nous allons retourner à Torik et Jacquard. Vous êtes en train d'interroger vos ferrailleurs dans la ruelle, enfin, plutôt votre ferrailleur. Il n'y en a qu'un seul qui est vraiment en état. Il y en a un qui est complètement inconscient, en train de se vider de son sang. Il va probablement mourir si personne ne fait rien. Quant au troisième qui a le bassin déplacé, lui il se tord de douleur. Il a tenté de ramper pendant quelques instants, mais il s'est vite rendu compte que c'était pas une cause vraiment intéressante. Et pour l'instant, il se fait juste un peu petit en attendant de voir si vous avez prévu de les finir ou pas. Bon, déjà, je demande à Torik. Torik. Ouais. Bon. Le châtiment pour tentative de meurtre et d'agression n'est pas nécessairement la peine de mort. Est-ce que tu veux bien aller le soigner? Même si... Je te le demande. Oui. Ben, non, mais j'allais le faire, ne t'inquiète pas. J'expliquais simplement à ce monsieur... Enfin, ils avaient fait une erreur de s'en prendre à moi, c'est tout. Ouais, aussi. Et est-ce que tu pourras lui remettre les phalanges en place à l'autre? Bien sûr, je m'en occupe même de suite, toi, je pallie nécessaire. Non, mais là, pour pas qu'ils crèvent, quoi. Elles sont droites maintenant, mais elles le seront pas plus tard. Ah oui, non, mais là, je m'occupe des blessures tout de suite qui sont... Ok, super, merci. Voilà. Ouais, je retourne voir le mec. Salut. Tu t'es allé vers celui qui se vide de son sang ou... Celui qui est tombé de... Auquel j'ai celui parlé au début. Celui qui est tombé de la gouttière. Pardon, excuse-moi, je suis désolé. Oui, c'est ça. Oui. La gouttière. Enfin, moi, je vais voir celui qui... Très bien. Du coup, tu vois qui te répond et qui te fait... Ouais. Tu vois ce gars? Il est en point tantorique. Ouais. Ouais. Tu sais ce qu'il fait dans la vie? Hospitalier ? Oui. Fait quoi, un hospitalier ? Ça brûle des villages et ça soigne des gens ? Oui, c'est vrai. J'ai oublié la première, mais c'est vrai qu'ils font ça aussi. Donc, tu vois ce hospitalier-là, derrière moi ? Il m'a appris tout ce qu'il y avait à savoir sur l'anatomie du corps humain. Je connais tous les nerfs, toutes tes phalanges, tous les os. Là, chaque endroit, chaque petit endroit qui peut te faire mal, si tant est que tu peux avoir encore mal. Et crois-moi, je vais te le prouver. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Non, on n'est pas obligé d'en arriver là. Parce que tu vois, t'as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Comme quoi mon ami, il était vendu à Hamza et au Néo-Libyen. Pourquoi c'est pas le cas ? Bah, je vais peut-être te surprendre. Il crache par terre. Mais je pense que il y a moyen de s'arranger là-dessus. Donc, ce que je peux faire, c'est que je suis sûr que t'as un lien, un quelconque putain de lien, avec cette meuf que j'ai vue courir il y a pas très longtemps, avec plein de lettres de change, je sais pas quoi, mais bref, c'était louche cette histoire. Ok ? Donc, ouais. T'as un lien avec elle. Donc, moi, je peux te proposer quelque chose. Je te laisse repartir. Comme tu veux. Et tu lui dis à elle que je, ou si à votre chef, je sais pas qui vous êtes, mais que je veux aller vous rencontrer. On veut parler avec vous. Et que en aucun cas, on va détruire votre business ou je sais pas quoi. On veut juste parler. J'ai une condition. C'est con de nous avoir agressé. Hein. Moi, je veux juste parler. Ok ? Si tant est que t'es en état de donner des conditions, mais vas-y, je t'écoute. Je veux que vous soignez mon pote. Et il montre l'autre qui est en train de se filer de son sang, qui se fait planter. Moi, j'y vais. Hein. J'y vais. Ok, fais-moi un petit test d'intelligence médecine. Pas ce 7, serait très rigolo que l'échec critique tombe maintenant. Succès ! Point. Succès. C'est pas mal de faire comme ça pendant les tests de médecine où la vie des gens est en jeu. Moi, j'aime bien. surtout que là, il y avait du suspense. Hein. Le dernier dé est un échec critique. Ouais, t'as vu. Ouais. C'est bon. T'arrives à le stabiliser, tu vois. Bon. Tu sais comment il a eu ça, hein, mine de rien, tu sais quel genre de blessure il a, c'est toi qui l'as infligé, bon, tu sais aussi comment l'a réparé, donc on va dire que c'est un peu la routine hospitalier, quoi. C'est ça. Non, bon, t'avais probablement, même si, j'allais dire, touché un endroit pas trop dangereux, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait les tripes à l'air, donc bon. Bon, c'est, voilà, mais tu fais ce que tu peux, tu le raccommodes comme ça, un peu. Si ouais. Tu me vois comme ça. Bon, il aura perdu l'appendicite au passage, peut-être, non, je sais pas. tu t'arrives à le stabiliser, oh, tu sais. Ablation d'une tumeur. Le mec, il lui rend même service. tu vois, il sera probablement couché pendant quelques semaines, voire même plus, hein, le temps qu'il se rétablisse, mais il s'en sortira si ça s'infecte pas. Tu vas probablement peut-être d'ailleurs aussi jeter un petit coup d'œil à l'autre avec son bassin. Lui, il risque d'avoir des douleurs pendant un moment aussi, hein, mais il en mourra pas non plus. Et tu leur mets un peu les os en place d'un coup sec. Et je leur glisse. J'ai pas fait ça gratos. Vous irez payer la note chez moi. Attends, moi, je propose qu'en gage de bonne volonté, je m'engage à couvrir les frais de ces messieurs. Et ces messieurs peuvent même, si certains veulent... Moi, je propose. Et ces messieurs font bien en sorte, bien sûr, de respecter la part de notre contrat pour prouver qu'on est des hommes de bonne foi. Voilà. Hein, je m'y engage. Prends en charge. Alors, sache, Jacquard, que ces hommes, ce que j'ai fait là aujourd'hui, n'est que temporaire. Ils vont devoir passer plusieurs fois là-bas pour panser les blessures et changer les pansements. Parce que sinon, s'ils ne viennent pas, la gangrène est guette et ils vont sûrement claquer. Et je dis ça bien fort. Hein. pour être sûr de les revoir, pour pas qu'ils nous fassent le truc à l'envers, tu sais. Donc, les frais, tu t'engages à payer leurs frais, hein, j'ai bien entendu. Écoute, au moins les premières. Les premiers, d'accord. Mais la suite, messieurs, ce sera pour vous. Et si vous venez pas, et ça c'est foi d'hospitalier, vous allez crever. Tu vois qu'ils acquièrent un petit test de psyché domination, s'il te plaît, avec un bonus de 1D. Parce que c'était rigolo, l'argument était quand même plutôt cool. L'argument de la gangrène, moi j'ai bien aimé. Alors, le psyché domi. Alors moi, ça tombe très bien que j'ai un truc parce que je. Ça me fera 4D. J'avais oublié que j'avais mis un peu plus en psyché. Oh putain, 3 réussites, un déclencheur. Oh, mais décidément, ce soir, vous êtes sur 4D, là. Ouais. Écoute, ça passe, hein. Encore une fois, pile poil ce qu'il faut. Enfin, bon, globalement, tu vois que tes menaces font effet. Tu vois que là, ils sont quand même. Ils ont pris tarot, donc ils vont vraiment pas jouer avec la vie plus longtemps que ça. Surtout qu'ils étaient quand même en état d'agression, donc ouais. Donc, je te laisse continuer, Jacquard. Où est-ce que nos chefs peuvent vous trouver? La salle classique rouge. Ou bien passez voir Dobby et dites-lui que on vous laisse même choisir le lieu, tout ce que vous voulez. C'est pas un problème. On fait selon vos conditions. On veut juste vous parler. Ils viendront, vous avez ma parole. Faut être ferrailleur. Et ma parole de juge. Vous êtes des braves. Allez, partez. On retourne à nouveau. Mokosh et Afux, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Bon, il commence à être tard dans la nuit, vous commencez à être un peu fatigué, hein, mais vous avez l'habitude, vous avez déjà tenu plus que ça, donc si vous voulez, vous pouvez repartir sur autre chose. À vous de me dire. Moi, j'étais partant pour effectivement aller me reposer. Tant qu'à faire, tant qu'il n'y a rien sur le feu et qu'on attend que nos amis reviennent, autant dormir. Ça me semblait être une bonne idée. On est quand là? On est en pleine nuit, c'est ça? C'est ça. Ah ouais, ça risque d'être embêtant, ça. Oui, ben je pense qu'on va dormir. Ok, parfait. Vous êtes rejoint un peu plus tard dans la soirée par Jacquard et Toric qui ont l'air de très bien aller. Bon, sur le coup, tout le monde est un peu fatigué, donc vous leur demandez pas tout de suite comment ça s'est passé. Hein. Limite, vous les entendez rentrer, mais. Vous êtes pas fort, enfin, sauf Toric, par contre, je parle, enfin, à moins qu'il ait prévu de d'escorter Jacquard, mais Toric, a priori, va plutôt quand même dormir à l'hôpital de l'orage. J'ai fait un petit raccourci. Vous vous réveillez tranquillement le lendemain matin, les bruits des mouettes sur le port et des vagues qui s'entrechoquent contre la digue. L'odeur un petit peu du coup du sel dans l'air, etc. Enfin, une matinée somme toute classique à Toulon. Et du coup, nous en sommes au premier jour d'été. Au réveil, Mokosh, tu réalises que Lilith a parfaitement bien compris quelle était la nouvelle chaîne alimentaire hiérarchique au sein de la sacristie. Puisque Lichen se retrouve affublé d'ordres en tout genre. Pas forcément des trucs indispensables, mais il a un peu devenu le larbin de service. Et elle le menace un peu à la volée. Tu sais très bien ce qui t'attend si jamais, de toute façon, tu fais pas ce que je te dis. Donc voilà. Tu vas me faire à manger, à moi aussi. Et après, j'aurai besoin de toi pour construire des trucs. De toute façon, t'es inférieur, donc tu sais faire. Lui, au début, il semblait pas parfaitement chaud, mais comme la dernière fois, au rappel de la sentence qui pourrait s'abattre sur lui, il a tendance à se plier un petit peu. Après tout, il vient d'échapper à la mort. Il s'en sort pas si mal. Quelqu'un a payé sa prime. Il va pas non plus chipoter plus que ça. Rien de particulier ne se passe ce matin. J'imagine que vous êtes rejoint un petit peu plus tard par Toric. Tori, qui dès le lendemain, tu dois, enfin au moment où tu t'apprêtes à quitter l'hôpital de campagne de l'orage, tu croises le famulancier Jacques et la famulancière Clara en train de s'occuper d'un des ferrailleurs qui avait croisé l'autre soir, celui qui s'était déplacé le bassin parce qu'il a des douleurs dans tout le dos et il n'était pas capable d'aller travailler aujourd'hui. Bon, bah écoute, ils se sentent pas bien grave, donc ils vont s'occuper de son cas. Juste avant de partir, je vais aller rapidement, discrètement, faire un petit coucou à Sam et la femme, et voir si ça va mieux depuis la dernière fois. Tu vas la voir, et à ce moment-là, son mari n'est pas là, et elle te regarde et elle te dit oui, ça va, désolé pour... C'est pas grave, c'est juste que voilà, je m'inquiétais un petit peu pour vous. Mais bon, si vous me dites que ça va mieux, par contre, la prochaine fois, essayez de ne pas trop abuser. Vous savez déjà que c'est mauvais pour vous. Et c'est mauvais pour votre travail. Oui, et en plus de ça, je sais que ce sera mauvais pour... Et à ce moment-là, elle finit pas sa phrase, et juste... Non, mais j'acquiesce sans dire un mot, et je dis bon, allez, bonne journée, et je m'en vais. Là-dessus, elle te salue, et tu t'en... Un petit peu plus tard, tu retrouves le reste du groupe à la sacristie. Comme dit, c'est pas passé grand-chose de particulier ce matin, donc je vous laisse décider de ce que vous voulez faire de votre côté. Ben moi, quand j'arrive, je salue tout le monde. Je fais alors, comment ça va aujourd'hui? Vous avez passé une bonne nuit? Oui. Ouais. Ça va, un bon réveil. Ah, il y a un petit nouveau maintenant? Je dis, genre, en regardant le ferrailleur. Bah, il doit être dans le coin, j'imagine. Il doit être en train de faire ses trucs à ta gauche. Oui. C'est un petit nouveau? Un petit nouveau, oui. Il va rendre service, notamment à Efflux. Ah. Bon, c'est ça. Ouais. Bon, j'ai dit, en effet, Lichen est bel et bien là, en train d'aménager une espèce de lit un peu mezzanine, enfin, un peu du coup en hauteur, avec, ouais, donc une échelle qu'il est en train de fabriquer lui-même pour, du coup, l'intérieur de la sacristie. Du coup, je me tourne vers Jacquard et je dis, bah alors, tu l'auras... Parler de notre petite rencontre d'hier? Non, pas encore. Je suis rentré et puis je me suis couché. Non, bah écoute, voilà. On s'est fait agresser, là, sur le chemin, par... visiblement... des gens que ça gêne qu'on enquête sur ce trafic. Mmh. De fausses lettres. Et du coup, bah, on les a défoncés. Et du coup, bah... Enfin, on les a soignés. Les a remis sur pied et on a demandé à rencontrer leur chef. Ok. Voilà. Qui devrait passer par ici ou voir Dobby, on ne sait pas trop. Et puis. Ils nous donneront rendez-vous. Ok. Du coup, c'est des ferrailleurs, c'est ça? C'est des. Ouais. J'oublie toujours leur nom. Des ferrailleurs. Des frères de l'acier? Non, pas des frères de l'acier. C'est pas des frères de l'acier. Ok. C'est des ferrailleurs pas. Et si on veut parler stratégie, je pense pas que ce soit nécessairement la bonne idée de livrer leur chef, moi le véritable chef, Holmes. Pourquoi? Bah parce qu'en fait ça nous est profitable ce qu'ils font, quelque part. Donc on pourrait l'utiliser savamment. On pourrait nous-mêmes, je pense que on pourrait leur dire de stopper leurs activités pendant un moment et de les garder sous le coude. C'est pas, je sais pas, pour faire autre chose. Enfin, après, c'est vous qui voyez, hein. Moi je m'en fous. Mais si on les livre quelque part, on va perdre en crédibilité auprès des farailleurs, ce genre de choses. Après, le problème, c'est est-ce que se mettre à dos Hamza est une bonne idée? Justement, faut trouver un bouc émissaire. Oui, mais il faut que ça marche sur le très long terme, parce qu'on compte pas quitter Toulon avant un bon moment, et que le jour où il reprend les activités, il a bien remarqué qu'il y a quelque chose qui va pas, on va y retourner, et si un jour, d'une quelconque façon, il remarque qu'on l'a trompé, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Sachant que, dans notre idée, on pourrait livrer la vraie personne et bosser sur cette même technologie, mais de manière un peu améliorée, étant donné que je suis chroniqueur. Mais... Ouais. Et se mettre à dos tous les ferrailleurs du coin pour qu'ils sachent qu'on est des balances, qu'on travaille pour Hamza et que... Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut pas se permettre de perdre de crédibilité. Donc, il y a plusieurs options. Soit on balance leur chef et on en trouve un nouveau pour eux. Soit on trouve un bouc émissaire et on leur dit de la laisser de ce côté et que de toute façon, ça vaut pas le coup d'avoir un bon bout de temps de se remettre à faire ce business. Et que s'ils veulent pouvoir le faire de manière pérenne, tout ça, bah, faut nous aider dans notre entreprise. En fait, là, ce que je vous propose, c'est carrément de les associer à nous. Et c'est de gagner un pied-à-terre au ferraille. Et je pense qu'ils seront bien assez malins pour comprendre que là, si jamais ils recommencent pour un bout de temps, ils sont foutus. En vrai, c'est un plan qui... Ça me semble bien. Du rêve, mais me paraît compliqué à réaliser. Mais si on y arrive... C'est la meilleure des choses, je pense, en termes d'issue. On a tout à gagner avec ce plan, mais il va falloir qu'on travaille bien. Il faut prendre des risques dans la vie. Moi, je suis pour le plan de Jacquard. Je suis d'accord pour son approche. Elle me semble bien. Moi, je m'en fiche. Ok, Tori. But... 3 contre 1, rendez-vous. Enfin, 3,5. Ouais. Ça, c'est un plan qu'on ne peut lancer du coup qu'une fois qu'on aura rencontré leur patron. Oui. Vous voulez faire quoi aujourd'hui? Bah, attendez, on avait plein de choses à faire. Laisse-moi lire mes notes. Parce que moi, j'ai un orphelinat à visiter. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Il faudrait qu'on aille voir la résistance aussi. Ouais, c'est vrai. Il fallait qu'on aille voir. Fallait qu'on aille voir la chef de la résistance. Oui, bon, on a ça à faire, concrètement. Okay. On peut commencer par l'orphelinat, parce qu'on n'est pas très loin. Attendez que... C'est juste... Et très après, rapide, l'orphelinat. Bah, c'est ça, on peut commencer par l'orphelinat, on peut y aller tous ensemble, et après, on va tous ensemble voir Zoé. Mm-hmm. Comme ouais. Ça, on travaille main dans la main, comme à la bonne vieille époque, où on n'avait pas tous les emplois de temps surchargés. Et oui... C'est difficile le travail avec les gens. Ok, let's go. En route vers l'orphelinat. J'amène l'élite. J'amène l'élite avec moi. Bon, voilà. Sur le chemin en direction du coup de l'orphelinat, donc il n'y a que Mokosh et l'élite ou Flux et le reste du groupe vient. On y va tous. Oh, on y va tous, Flux. Main dans la main. Nous quatre et l'élite. Tu sens que l'élite de ton côté, Mokosh, stresse un peu quand même à l'idée d'y retourner. Pour rappel, là-bas, c'était quand même des conditions relativement difficiles. Jusqu'à ce que même, alors que vous arrivez donc dans Saint-Chenil et que vous empruntez la route qui mène jusqu'à la colline surplombée par l'orphelinat, elle peut pas s'empêcher de te saisir la main, mettant son ego de côté et sa fierté de côté, le temps de la traversée. Vous montez jusqu'à cette espèce de grand bâtiment biscornu qui, sur la carte, est le numéro 35. Je me permets de vous le réindiquer si jamais certains voudraient regarder où ça se trouve. Un endroit donc assez étrange, entouré d'une grande palissade et de planches qui ont été recouvertes de goudron. Vous avez des cheminées en haut du bâtiment, desquelles s'élèvent de grands et d'épais nuages de cendres qui vous étouffent un petit peu sur le long du trajet. Vous avez cette odeur aussi un petit peu qui vous prend les narines, et vous avez en un sens presque l'impression de vous diriger vers les enfers elles-mêmes. En tout cas, c'est probablement ce que doit se dire l'élite qui a tant de mauvais souvenirs en ces lieux. En effet, en vous approchant de cet endroit, quelque chose vous saute aux yeux. Plutôt, l'absence de quelque chose vous saute aux yeux. C'est les bruits d'enfants qui jouent, qu'on pourrait entendre au loin émaner de la cour. Rien de tout cela. La cour, d'ailleurs, vous la voyez un petit peu, mais très peu. C'est très difficile de voir ce qui se passe au-delà de ce grand portail de fer qui semble être le seul accès de l'orphelinat. À l'entrée de ce dernier, d'ailleurs, se trouve une femme habillée de haillons en larmes qui semble avoir monté la colline juste avant vous et dépose dans un panier, un espèce de petit panier au niveau de l'entrée, puis se retourne, essuie ses larmes d'un grand mouvement et repart en direction de la descente. Bien évidemment, au bout de quelques secondes, vous commencez à entendre des cris et des pleurs émaner de ce dernier. Je m'approche pour voir si c'est genre un tout petit bébé ou un truc qui est quand même capable de marcher ou je sais pas. Il est vraiment très très jeune. Tu connais pas forcément grand chose en enfant, mais bon, tu vois que lui, il a dû naître il y a quelques semaines, grand maximum. À ce moment-là, vous avez aucun moyen, a priori, de rentrer, à part juste... vous avez, j'ai oublié, le heurtoir, une espèce de grand heurtoir au niveau du portail, que j'imagine vous vous abattez pour signaler votre présence. Votre présence est tout d'abord remarquée par un enfant qui se trouvait non loin et qui écarquille un petit peu les yeux en voyant la silhouette de Lilith à travers le portail. À ce moment-là, d'un seul coup, il part en courant et Lilith vous informe un petit peu. Eux, ce sont les superviseurs, les enfants chargés de surveiller les allées et venues et ainsi que éventuellement les autres enfants et de tout leur dire à Opis. T'as fait ça toi? À la caisse. On a un traitement privilégié quand on accepte d'être superviseur pour Opis. À ce moment-là, vous voyez que l'enfant de tout à l'heure réapparaît accompagné du fameux Opis. Un adulte dans un accoutrement un petit peu particulier, un homme d'une quarantaine d'années qui se déplace assez lentement avec de grosses joues et une petite moustache en boucle qui lui fait le tour de qui lui contourne la bouche. Un air un peu étrange, mi-simplet, mi... quoi que ce soit d'autre, et qui, toi, Toric, t'évoque quelque chose. T'as l'impression de déjà l'avoir vu quelque part. Mm-hmm. Ok. Il commence à s'approcher, sort un grand trousseau de clés de sa poche, déverrouille le portail et... soulève le panier en esquissant une espèce de sourire et le tend à l'enfant, au petit superviseur qui se trouve avec lui. Amène-le avec les autres. À ce moment-là, il se retourne vers vous, esquisse un grand sourire, surtout face à toi, Toric. D'ailleurs, toi, il te dégoûte plus qu'autre chose. Honnêtement, tu vois qu'il est sale. Et que clairement il ne respecte pas grand chose en termes d'hygiène. Et plutôt que vous incitez à rentrer, il referme juste la porte derrière lui, et vous dit je peux quelque chose pour vous? Vous avez combien de gamins là-dedans? Plusieurs centaines, mais bientôt un de plus. Si... À ce moment-là, il tourne sa tête vers Lilith. Vous me la ramenez enfin, c'est ça? Fais ça et tu t'approches et je te casse en deux. Oh, mais voyons, calmez-vous. On veut rentrer. Non, je préfère faire affaire à l'extérieur de l'orphelinat. Ça pourrait troubler les enfants que de voir des inconnus rentrer comme ça. Dites-moi, vous avez toujours été sur Toulon ? Eh bien, oui, voyez-vous. Vous n'avez jamais été autre part qu'à Toulon. Vous avez toujours vécu ici. Vous n'êtes jamais allé dans, enfin, au niveau de justicienne ou dans les alentours. J'ai un petit peu voyagé en Franca durant mes jeunes années, mais c'est tout. Votre tête me ressemble à quoi ? Me dit quelque chose. Vous m'êtes pas inconnu. À ce moment-là, il esquisse encore son large sourire. Tu vois les dents, quelques dents qui lui manquent apparaître, les autres jaunies complètement, voire même pourries. Ouais. J'avais dû vous rendre visite à l'hôpital de l'orage. Et ce soir, j'ai demandé à Thoric de faire un petit test d'intellect. Et on va dire soit focus, soit légende. Du coup, ça ferait en quoi tout cas, ça vient même. Donc, je vais demander de me jeter. Ah non, ouais, ça je vais demander de me jeter 5D, s'il te plaît. 5D, d'accord. 4 réussites, 2 déclencheurs. Oh là. Et bah, tu te rappelles. Oh là, d'un coup, ça commence à te revenir, mais ouais, c'est incroyable ce soir. Là, t'avais plus d'une chance sur deux de rater, normalement. Hein, mais bon. Et l'autre, c'est un blanc. Ouais, et du coup, ça commence à te revenir et tu te dis, mais oui. Tu te rappelles, en effet, il était passé une fois à l'hôpital de l'orage, à l'époque où tu sais, tu traitais régulièrement, un peu tous les matins, différents gars pour soulager tes collègues. Et lui, d'ailleurs, il t'avait un peu surpris la première fois parce que... mais il avait rien, en fait. C'était un faux malade. Enfin, il pensait qu'il allait pas bien, mais tu l'avais diagnostiqué et il avait finalement rien de grave, et du coup tu l'avais juste renvoyé chez lui après l'avoir fait payer quand même un petit prix symbolique. Ah, c'est pas à lui que j'ai donné des herbes ou un truc placebo pour... C'est possible que tu lui aies donné ce genre de truc, en effet. Ouais, j'ai souvenir de ça, d'un patient qui avait vraiment l'impression d'avoir quelque chose, et finalement qui pour moi n'avait rien, et j'avais... Je lui avais donné un placebo, histoire de tu prends ça, ça va mieux. Et voilà quoi. Oui, d'accord, je me souviens de vous, en effet. Ça me revient. Et est-ce que la médication que je vous ai donnée a fonctionné ? Est-ce que vous allez mieux maintenant ? Oh, parfaitement mieux. Merci encore. Et il sourit à nouveau. Ah, vous voyez, comme quoi on est utile à quelque chose quand même. Hein ? Oui. Bon. Ouais. Je veux des enfants. Bien sûr, de quel genre, de quel type ? Je veux rentrer pour les voir. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez rentrer tous, là, comme ça ? Oui, tous, et après on va voler tout en argent après t'avoir tabassé. Je fais un sourire, genre, je rigole un peu. Il sourit un peu gêné. Blague. Et puis il y a Tori qui rigole un peu maintenant, mais c'est une blague. Et du coup, bon, eh bien, suivez-moi. Pourquoi vous voulez voler ces enfants ? J'en ai de tous les types pour tout ce qu'il faut. Si vous voulez les chérir, les faire travailler... Il y en a pour tous les goûts, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. Et il vous fait suivre jusqu'à, du coup, l'intérieur donc de la cour avec les pavés, avec, vous voyez, donc les certains enfants qui sont là dehors et qui regardent, mais avec des mines désastreuses. Ils sont maigrelets, couverts de crasse. Suivez-moi. Et il vous fait rentrer à l'intérieur donc du bâtiment. À l'intérieur, vous marchez sur une espèce de plancher qui est en train, enfin, poussiéreux, malgré le fait que des enfants soient là en train de l'entretenir, de balayer. Et vous fait passer... en fait, il prend une espèce de grand bâton de bois qui pourrait être une espèce de canne. Et il rentre dans... Il arrive à l'entrée de certaines pièces. L'orphelinat qui est d'ailleurs vraiment conçu comme un orphelinat comme on pourrait le constater, enfin le concevoir. Et tape avec son bâton sur le sol à l'entrée de ce qui semble être les dortoirs où les enfants qui s'y trouvent s'alignent presque comme des petits soldats un peu tout tremblotants. Et déjà vous constatez bon, qu'ils sont complètement... comment dire les uns sur les autres. Certains ont l'air même de partager les mêmes lits superposés. L'environnement dans lequel ils vivent est malheureusement pas des meilleurs. Et d'ailleurs, Opis s'en défend. Oh, vous savez, je fais de mon mieux, mais malheureusement, les dons à l'orphelinat sont trop peu faibles. On ne vend pas assez d'enfants ces derniers temps. Malgré tout, ils sont très bien dégourdis et très bien élevés. On les loue régulièrement auprès des pêcheurs du port ou au niveau de la tannerie. Vous avez dû passer devant au moins une fois, j'imagine. Mmh. Et... Bon, je vais pas m'intéresser à ce qu'il dit pour le reste, hein, parce que j'en ai rien à faire de lui. Ouais, tu vois, il blablate un petit peu, tu t'écoutes pas trop. Je vais me tourner vers Lilith et je vais lui dire... Trouve-moi ceux que tu sais de confiance, ou un minimum de confiance en tout cas, et qui sont capables d'être utiles chez nous. Elle te dit, il y en avait une, Sarah, avec qui je m'entendais bien, et c'était peut-être pas la plus forte, mais j'aimerais bien qu'on la retrouve. C'était une des rares personnes à être, on va dire, correcte. Alors, on va prendre une Sarah. Ok. Enfin, tu dis ça à qui? Je me tourne vers le bonhomme et je lui dis, vous êtes... Ah, on va prendre une Sarah. Mmh. Vous voulez Sarah? Oui, Sarah. On vous a dit Sarah. La petite Sarah, oui, bien sûr. Où est-ce qu'elle est passée Elle doit être dans le dortoir d'à côté. À ce moment-là, il reprend son bâton. Il traverse du coup le couloir principal et donne un coup à l'entrée, enfin deux coups à l'entrée de l'autre. Pareil, les enfants se mettent en rang mécaniquement, refont les lits rapidement. Il les scrute et... À ce moment-là, il fait signe au superviseur de tout à l'heure de... Et ce dernier lui chuchote un petit truc à l'oreille. Il se retourne vers vous, il fait « Ah, malheureusement, elle n'est pas disponible pour le moment. Elle travaille à l'infirmerie. » On y va alors. Ça, l'infirmerie. Eh bien, la santé des enfants est ma priorité, alors j'ai consacré une salle entière, expressément, pour m'occuper de leur santé. Vous pouvez m'indiquer le chemin ? Je vais aller faire un tour. Bien sûr, monsieur Spitalier. J'imagine que mon infirmerie doit faire pâle figure face à votre hôpital. Mais si vous vouliez venir et m'aider à l'améliorer pour le bien-être des enfants, ce serait avec un plaisir immense, un honneur même, que je pourrais faire tout comme vous, participer à l'essor. Et là-dessus, il se perd un petit peu dans ses mots, il vous conduit, il marche un petit peu, il titube un petit peu jusqu'à une dernière salle du couloir principal. D'ailleurs, j'y pense, est-ce que tout le monde suit la ronde ou est-ce que certains d'entre vous, parce que là, il y a surtout Toric et Mokosh qui parlent. Mokosh, elle, est suivie de près par l'élite qui semble pas du tout vouloir s'en écarter, mais de 5 cm. Jacquard et Aflux, est-ce que vous en profitez pour flirter à droite à gauche? Enfin, flirter, merde. Fureté. Comment on dit? Fureté, voilà. Oui, écoute. Les deux. Je trouve que le contexte s'y prête bien. Bon, j'ai pas choisi mon moment pour me bourrer, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On va éviter de flirter, effectivement. Non, fureté, donc oui, fureté. Je veux bien que ce soit à nouveau le Moyen-Âge, mais écoute. On va se calmer et du coup moi j'ai pas grand chose à dire bon, d'habitude c'est plutôt les flux qui traînent avec les gosses alors ouais mais moi je voulais forter effectivement parce que vu que je me fais discret depuis tout à l'heure Exactement. Ok, je m'en doutais bien. Eh bien, tu vas me faire un petit jet de agilité stealth, donc discrétion, histoire d'avoir, avec une difficulté de 2 seulement. Mais tu peux dépenser de l'ego si tu le souhaites. Je vais dépenser de l'ego. Je vais dépenser combien d'ego? Je pense 2 ego. Parfait, tu peux donc jeter 4 dés. Ouais. Histoire d'avoir une petite chance de... 3 réussites, 1 déclencheur. Oh, mais vraiment, ce soir, je vous dis, moi, entreprenez tout ce que vous voulez. Je mettrai à jour tes points d'ego, etc. Tu fais ton petit test. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais Toric, tu as regagné un des points que tu avais dépensé parce que vous avez dormi une nuit entière depuis. Mais ça, pareil, je vais l'actualiser tout à l'heure, je m'en occuperai. Jacquard, de ton côté, tu suis le groupe principal ou tu essaies de t'écarter un petit peu? Oh non, j'ai rien à faire, j'ai pas de... Voilà, je reste avec le groupe. Ok, très bien. Et Flux, simplement, au moment où tout le monde repart de la salle en direction de l'infirmerie, toi, tu restes sur place, tu fais mine au début d'examiner les enfants, et puis, tout simplement, naturellement, en fait, tu t'es dissocié du groupe. Moi, je vais commencer avec le groupe principal. Vous arrivez jusque dans l'infirmerie. Clairement, elle fait pas le figure, cette infirmerie. C'est une petite pièce, sans fenêtre, avec à droite, à gauche, des bandages entreposés. Et honnêtement, ça respecte pas énormément les règles d'hygiène. Hein. Toric, tu t'en doutes. Hein. Vous avez plusieurs enfants qui sont en effet là, avec des petits tabliers blancs un peu recouverts de sang, qui donc du coup semblent être un petit peu les apprentis chirurgiens. Enfin, pas chirurgiens non plus, mais on va dire apprentis médecins. Et vous avez plusieurs lits avec des enfants blessés, dont une quasiment inconsciente avec une espèce de grand bandage blanc sur le visage, avec vraiment recouvert de sang. Et à ce moment-là, Lilith lâche complètement la main de Mokosh et se précipite sur elle. Lui attrape la main aussi et lui dit « Mais Sarah, est-ce que tu vas bien ?» Moi, de toute façon, j'allais directement vers cet enfant-là, puisque c'est celle qui est la plus sérieusement blessée. Du coup, je passe un petit peu devant Lilith. Je la repousse un peu. Je dis « Attends, laisse-moi regarder, voir ce qu'elle a. » Tu l'examines, tu vas faire un petit test d'intellect d'intellect médecine, pardon. Pour diagnostiquer un petit peu. Un succès. Deux succès. Trois succès, un déclencheur. Tu l'examines, tu vois qu'elle est quand même dans un sacré état. Déjà, elle est très très faible. Elle est pas bien. Et genre, il faut la nourrir, cette gamine, et elle est maigrelette, et tu sens qu'elle a aucune force. Mmh. En retirant légèrement son bandage, tu vois qu'elle a une blessure infectée au niveau de l'œil. Elle a plusieurs également hématomes et bleus, comme si elle avait été frappée. À multiples reprises, en effet, tu vois que c'est complètement affecté au niveau de l'œil, et à en jauger les aiguilles et les fils qui sont disposés à droite à gauche, un peu tout autour, enfin, du coup, sur le, on va dire, ce qui sert de plan de travail, t'en déduis que déjà, visiblement, ils n'ont rien pour stériliser leur matériel. Tu sais que si jamais personne ne fait quoi que ce soit, on va dire, de... Enfin, déjà, il y a de très fortes chances qu'elle perde son œil, à moins, honnêtement, d'une opération un peu miracle. Je regarde, donc, effectivement, je me retourne vers Opis et je lui dis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est tombée dans les escaliers. Je regarde je regarde, est-ce que réellement, regardant comme ça, c'est une blessure due à une chute dans les escaliers? Non, toi t'es sûr et certain que c'est pas une chute dans les escaliers. Donc du coup je vais arrêter de vous foutre de ma gueule, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah mais écoutez, je n'ai pas votre niveau même si je ne demande qu'à apprendre. Mais c'est ce que m'ont dit les autres enfants. Ils m'ont peut-être menti, je sais qu'il y a parfois des bagarres qui éclatent malheureusement. Non mais là c'est fait lyncher la petite, c'est pas une bagarre d'enfant là. C'est tous les enfants qui lui sont passés dessus. Là. Je trouverai les coupables. Et à ce moment-là, il lève son bâton, il le tape un petit peu dans sa main. Et croyez-moi qu'ils paieront ont fait. Je regarde Lilith et discrètement, je lui dis c'est lui qui a fait ça. Tu vois qu'elle acquiesce, elle hoche la tête de haut en bas. Ok. Du coup, je regarde les autres rapidement. Les autres, c'est quoi? C'est des blessures plutôt méchantes ou ça va? Enfin, il y a qu'un seul autre gamin. Lui, en effet, c'est un petit peu méchant aussi, mais pas autant. Lui, pareil, il représente, il a des bleus et des hématomes, enfin des marques un petit peu partout sur le corps, comme si c'était pris des coups de ouais. Jacquard, ah bah non, Jacquard, il est avec nous là. Il est avec vous. Jacquard, on prend les deux et tu viens avec moi, on les emmène chez moi. Ok. Jacquard, tu t'approches d'eux. Et tu les saisis dans tes grands bras, tu les portes sur tes épaules, un sur chacune d'entre elles, et du coup, vous vous mettez en marche directement pour pas perdre de temps. Ouais, ouais, puis je me retourne vers Mokosh, je te laisse t'occuper de ça. Mais je m'en vais. J'espère que je ne vous ai pas offensé, hospitalier. Sincèrement, je me bats. À ce moment-là, Opis se retourne vers toi, Mokosh, il dit « Bon, en effet, la petite Sarah n'en est pas dans son meilleur état, mais si vous voulez, je peux vous proposer d'autres enfants. J'en ai plein, plusieurs centaines. Vous voulez plutôt des jeunes ou des plus âgés ?» C'était combien pour ceux qu'on vient de récupérer? Oh, cela, je vous l'ai fait très honnêtement. Leur vie vaut, disons, 3 dinars. Chacun? 3 dinars chacun. D'accord. Vous avez des actes de propriété particuliers pour l'orphelinat? En effet, la mairie de Port-Lagagne m'a désigné comme authentique propriétaire du lieu. C'est un honneur d'avoir été choisi par ailleurs. Ils viennent souvent pour se mettre aux nouvelles ou vous êtes un peu dans votre propre monde? Malheureusement, ils ne me donnent pas les moyens nécessaires pour tenir l'orphelinat comme je l'aimerais. Si j'avais plus d'argent, je pourrais améliorer les conditions de vie des enfants qui ne sont pas optimales, même s'ils devraient. Ouais. Enfin, ils sont bien évidemment reconnaissants envers les sacrifices que je fournis pour eux. D'accord. Mais, c'est bon. Bon, on avait dit 3 chacun, c'est ça? 3 dinars chacun. Alors, ça fera 6 en tout. Pour les deux petits, parfait. Du coup, je vais m'approcher ouais. De lui et je vais juste lui saisir la tête avec mes deux mains et juste je vais lui éclater la gueule contre un mur 6 fois jusqu'à qu'il dans le but de le crever, quoi, tu vois. Ah, vraiment dans le but de le buter? Oui, dans le but de le buter, je vais pas le laisser. Ok, bah fais-moi un jet de body force. Je vais vous trouver sa petite image avant qu'il meure. Avant et après. trois réussites dont un déclencheur contre deux échecs. Il a presque survécu. Pardon, tu m'as dit combien? Trois réussites dont un déclencheur contre deux échecs. Donc c'est ce qui compte pas. Trois réussites dont un déclencheur. Ok. Tu commences à le frapper à plusieurs reprises contre un mur ou le bord d'un des lits. Au début, contre le mur, il commence à se débattre. Il commence à crier « À l'aide, les enfants, aidez-moi !» En effet, ces derniers commencent à rappliquer et tu vois qu'ils paniquent complètement. Au bout de peut-être 3-4 coups, tu lâches l'espace de quelques secondes, il commence à cracher ses dents par terre. Et tu commences du coup à le ressaisir pour le reprendre. Il commence à te supplier et dit par pitié, j'ai des informations, je pourrais vous dire ce que vous voulez. Je m'arrête. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, on va faire le passage des flux, qui se passe donc avant que les choses commencent à mal tourner. Dis-moi, toi, qu'est-ce que t'en as profité pour faire ? Eh bien, littéralement fureté, je voulais fouiller un peu, voir ce qu'il en est, une fois qu'on me laisse un peu de côté. C'était vraiment de la fouille, en fait, en général. Je voulais me balader, voir un peu comment c'était, voir peut-être rencontrer les enfants par rapport à là où j'arrive à fureter, je ne sais pas vraiment. Mais en fait, l'ambiance est horrible dans cet endroit, et je voulais voir un peu plus et voir si je peux trouver des choses intéressantes. Très bien, fais-moi un jet d'instinct perception. Oui. Bon, je vais utiliser un point d'ego pour être à 4. Ok. Eh bien, je trouve rien, c'est un échec. Tu commences à fureter un petit peu à droite, à gauche. Tu parles un petit peu à 2-3 enfants, mais tu vois que la plupart sont un petit peu terrorisés. Voire même, osons le terme, traumatisés pour certains. Et ne parle pas beaucoup. Tu furtes un petit peu à l'intérieur de l'orphelinat et regardes de salle en salle. Tu tombes donc principalement sur des dortoirs où tu donc trouves des gamins. Tu en vois d'ailleurs certains en train de se disputer dans le dos de l'autre. Ceux qui d'ailleurs étaient censés nettoyer quand vous étiez là se sont arrêtés à partir du moment où Opis a quitté l'endroit. Et tu vois qu'en effet, ils sont très très nombreux. Toi, tu commences à les compter un petit peu à la volée et tu sens qu'ils sont plusieurs centaines. Toi, t'en comptes déjà pour l'instant 200, 250, mais a priori, ils sont censés être encore plus que ça. Tu sais pas s'il a exagéré ou pas. Il y a quand même un truc que tu remarques et qui t'étonne, qui va attirer ta curiosité, c'est que tous les endroits de l'orphelinat sont accessibles parfaitement. Sauf un qui semble être dans l'une, on va dire, des arrière-salles. C'est une espèce de placard à balai, plus qui semble être probablement le bureau d'Opis lui-même. Où d'ailleurs tu vois différentes cannes posées ici et là, des bourgeons de brûlure qu'il a dû inhaler, et des traces de sang. Probablement que c'est ici qui corrige certains des enfants qui sont désobéissants ou autres. Et tu remarques aussi, du coup, au niveau, donc, je veux dire, un petit peu cette arrière-celle, elle, un petit peu arrière du bâtiment, une espèce de grande trappe au sol. Le genre de trappe qui cache un escalier, qui descend sur un sous-sol, avec un énorme cadenas, la trappe en métal pur, complètement verrouillée. Est-ce que j'ai sur moi quelque chose qui pourrait... qui pourrait en fait servir pour essayer de péter le cadenas. Je sais pas en quel état il est. Je pense pas. Il est quand même assez gros. Ouais, c'est vraiment projeté peut-être, mais je sais pas trop si tu t'y connais, mais le casser honnêtement, je pense pas. Je peux tenter crocheter hein, pour la blague. On sait jamais. Ouais, en 2 minutes. Genre j'essaye, tu vois, genre je me dis bon. On voit si ça marche, et sinon je ne tenterai pas plus que ça. Mais je sais plus ce que c'est. C'est quoi crocheter ? Alors... crocheter, ça va être agilité plus dextérité, je crois, donc tu as 3 dés. Ok. Il me reste combien d'ego ? Alors, tu as dépensé 3 pour l'instant. Et... bon, ça va. Tu as une base de 12... Donc pour l'instant, t'es à 9 points d'ego sur 12. Ouais, sachant que la plupart du temps, en ce moment, enfin, genre, ça a l'air d'être plutôt calme dans notre vie. Donc j'ai utilisé un petit point d'ego encore pour être à 4. Okay, parfait. Et j'ai bien fait, parce que j'ai fait 3 réussites dans un déclencheur. Ok, en effet, on t'avait appris 2-3 astuces à l'époque... lorsque la science pure ne fonctionne pas, Tu commences du coup à tenter d'introduire différents trucs de métal, de bouts de métal que tu trouves pour tenter de le crocheter. T'as fait 3 réussites, c'est ça? Malheureusement, ce n'est pas suffisant et l'un de tes crochets se pète à l'intérieur. Tu vois que c'est un mécanisme quand même un peu plus sophistiqué que ce que tu pourrais avoir. Tu dis que le gars a dû avoir peut-être de sales histoires avec des enfants un peu comme Lilith, un petit peu trop roublard, et visiblement quand même investi dans un sacré cadenas. En plus d'être épais et genre impensable de le péter avec une espèce de pince ou autre, il a l'air un peu plus difficile à crocheter. Ceci dit, bon, c'est pas non plus. T'as connu pire et tu sais que quelqu'un d'autre plus spécialisé pourrait en venir à bout. Si à ce moment-là que tu commences à entendre les choses dégénérer de ton côté, je vais faire une rapide interlude par rapport à Torik et Jacquard qui eux se dirigent à toute vitesse, on va dire, en direction du coup de l'hôpital de l'orage. Simplement les enfants qui sur l'épaule de Torik sont vraiment pas bien et l'un d'entre eux qui ouvre un petit peu les yeux, celui qui a l'air un petit peu mieux que Sarah et chuchote juste un petit peu à l'oreille de Torik, sauvez-moi. Me renvoyez jamais là-bas. C'est déjà fait. T'inquiète pas, t'y retourneras pas. Pendant ce temps-là, Mokosh agrippe Opis, ce dernier, le visage qui était déjà pas très flatteur, couvert de sang, il a le nez complètement mis de côté, désossé. Et il est en train de parler, de bafouiller dans son propre sang. J'avais une information. Des informations sur quoi? Sur plein de choses. Dites-moi, laissez-moi en vie, je vous dirai ce que vous voulez savoir. Mais laissez-moi partir. Dis-moi quelque chose d'intéressant. 3, 2. Là, il y a l'un des vôtres qui nous rend souvent visite. Continue. L'orgiastique Jacques, vous avez dû en entendre parler, il se trouve à la sacristie rouge. Il rend souvent visite à l'orphelinat et moyenne quelques lettres de change pour passer quelques moments privilégiés avec certains des enfants. Y a pas de Jacques à la sacristie rouge. Je vous promets, je vous jure. Il m'a dit qu'il s'appelait Jacques. Si vous me le montrez, je pourrais le reconnaître. Je vais me tourner vers Lilith, je vais sortir mon attirail de tatouage, je vais lui mettre entre les mains et je vais lui dire débrouille-toi. Il a 3 triangles tatoués sur le front. À ce moment-là, Lilith commence à appuyer un peu sur tous les boutons. Elle sait pas trop quoi faire. Et puis il commence à la regarder, ma petite Lilith. Tu pourrais pas me faire de mal quand même. Elle, tu vois qu'elle semble quand même nourrir une certaine haine, hein, même plus que ça envers lui, hein. Tu la laisses. Je la laisse faire son art. Ok. Et ben bah, elle se jette sur lui avec du coup bah, la machine et le bruit mécanique de l'aiguille en train de vibrer et va lui planter au niveau de l'œil le même œil qui l'a frappé sur la petite Sarah. Lui se commence à hurler et essaie de la dégager, mais surtout de dégager la machine. Qui du coup commence à ripper sur son visage au moment où elle sort, parce que du coup, pas bah, forcément, Lilith y va de tout son corps. Lui, il a mal partout, il est tout faiblard, hein, il a vraiment du mal à se défendre. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour l'instant. Juste Mokosh qui se retourne sur les enfants, se demandant probablement si vous les récupérez tous, comment vous allez faire pour les nourrir. Déjà, vous vous en sortez à peine avec Saint-Chenil. Et en arrière-plan, les hurlements de Opis en train de prendre la monnaie de sa pièce.